Instru, Reken, play. Hey, si t'avais un feu, dis-moi ce que tu ferais. Nous on en a pas, donc on imagine. Écoute ce qu'on raconte. Ok, Hiroshima, à la d'un coup de moins talent. Une vie signe, grand talent. Me mettre à Londres avant d'un an. Parcourant mais sans talent. Lâche les génies, rends-moi agile. Accorde-moi, droit d'assis. Dans la légende, près d'un bassin. Ou des gènes, du brassis. Une balance appelle la rime, rêve toxique comme le bassi. Mon terrasse appelle la scène, mon avenir s'y dessine. Et yo, on scène la rime technique. Mal scène, assassine. J'étais à nouvel essai, je crée des chiots au champ du signe. Malfaiteur. Moi je voudrais quoi, une vie de rêve mais pas celle de Rayquan. Une vie dans le deal, loin des pointures qu'on cesse de me recoudre dans trois chemins. De compter parmi les frères qui se repent. Avoir les rues, la tête haute sans mascara, mis sur l'enfaute. Toi des faux, faux dans Aragra. Mis sur Tanché, mettre de côté toutes mes passions avant que la mort me chevaux. Et puis c'est d'être chez neuf. Car marre des coups dans les gencives, des coups des gens, des civières, tout dégoûte à part le deal. Escamicale. Si on me donnait la lampe d'Aladin, moi j'y mettrais la bière dedans. Un anodin, dis donc, d'y croire c'est une perte de temps. Non, celui qui croit n'est pas concret. Pour l'instant mon coup se crase. Ça craint, on frotte la lampe crasse. Pour oublier nos grosses craintes, je vois tous mes vœux s'exaucer. Et pour l'instant on sexe à loup, sans sexe sale. Je vois mon sexe sucer, sans cesse par cinq salopes. Tu dis que l'argent fait pas le bonheur et que l'amour n'a pas de prix. Bah passe-moi des thunes, on verra de quel genou te déprime. Ici on traîne tard, ni sa mère la tienne. Gare, rap, dur, trafic d'armes. Des gars, pas chez nous, c'est gore, surtout à la gare. En période de guerre, ça devient la pause. Ni dans le Val d'Hier, nique la justice et bâtard. Donc on calife PZ au placard. 322 bronze, 800 stars. Vieillir les Delmar, à pas pour te faire danser. J'ai pas une voix de pute, j'suis pas Willy Dancer. J'ai pas le même but. Escunte. Faut se fixer un objectif et se tenir de genre cette année. Nickel show business, fêter ça au bord du Nil. Palmier, noix de coco, pas de opportunité. Juste moi et le cocon, trop de barres de rire. De cash sur bord d'euro, on découche entre deux cuisses. Brésilienne, après si l'idée pousse. Ok, manque son brissier là. J'm'inventerai une Caroline comme Solar, au parfum comme Givenchy. Sopique. Le brocan, terre, ne dispose plus de cette lampe machine. Aïe, poteur, terre, essaye, proto, merde, et tout trop classique. Moi, dans classique, si qu'on caressera le pavillon auditif, tif, c'est kiff, kiff, pas dans du auditif, kiff. À la tif, tif, car moi je suis bien trop cartésien. Tu kiff, kiff, tes matalais, oreilles et cartésins. Quand je me construis, même si comme d'hab, le bonheur, elle m'ignore. Et si j'avais un vœu, ça serait d'en avoir des milliards.